As we search for oblivion. Maximize. Hey.

pris que deux fois, que deux fois. Bientôt la dernière scène est tournée. Un happy end dans la chambre à coucher. Ce bras levé entre les rideaux déchirés. Cette balle pour de vrai, elle va me tuer. J'aime les petits meurtres, des films aux nouvelles mœurs. On ne vit que deux fois, que deux fois. J'aime les mots stupides, des filles bien trop lucides. On ne vit que deux fois, que deux fois. Trop tard, je n'ai plus de le dire. Rien à séduire, tout à détruire. Même si c'est pour rire, c'est pour rire. Quelques souvenirs.

Oh,

priest gonna do anything here? Well, Mrs. Baker here is all right, Father, but you got one over there. ça me glace. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Non, c'est moi, non. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Enfin, c'est absolument une horreur totale. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you're going to pay. Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you're going to pay. Vous avez bien fait, vous avez bien travaillé. À quelques applaudissements de la foule. Très bien. You've got a decision to make. Are you going to obey Jesus Christ in your sex life? Well, was not really meant to be, but some things in the night were frightening me. I hid behind a tree, hoped that things would go away. My friends got worried, they were waiting for me, because we had to leave now. I was still behind a tree, and they just couldn't stay. Radio.

Your eyes.